cette fusée. Sourire d'enfant au matelas des langues. Sourire d'enfant au matelas des langues. Et le soir est mort, le poing sur ses fusils. Sourire d'enfant au matelas des langues. Sourire d'enfant au matelas des langues. Des langues et des langues. Ses yeux d'oiseau. Elle gante à ses yeux d'oiseau.